cri urgent. Avec l'aimable autorisation du Grand Souffle Édition, le collectif d'artistes qui publie cette collection et dont voici la présentation. Cette nouvelle collection s'est imposée à nous après la publication de la lettre anonyme de Guersande, avant de partir, ultime message d'une adolescente de 16 ans. Dans un monde collectivement menacé de tous les périls, où l'individu est réduit à une matière première, la vie à une exploitation industrielle de masse, la parole à un bavardage continuel. Que reste-t-il à un homme, à une femme, quand, dans leur existence la plus quotidienne, ils sont contraints à l'impasse? Le grand souffle ouvre ici un espace concret pour réapprendre à crier. Cri urgent, une actualité du dedans. Voici la présentation du cri urgent de Kamel, 15 ans. Racaille, couvre-feu. Les banlieues ont brûlé. La plupart des casseurs avaient à peine 15 ans, des enfants. Que des enfants en viennent à détruire leur propre cité, ces zones d'un autre monde devenues invivables, cela va au-delà d'une question politique, sociale ou morale. Ici, aucune réponse ne suffit. À travers la révolte et le désespoir d'une jeunesse, c'est le fait même de la violence, de la souffrance en nous qui apparaît. Cela, d'abord, est à entendre, et cette écoute, le seul commencement possible de nous. Écoutez la tristesse de Kamel, son cri en tous les autres, celui qu'il a voulu pousser, parfois, comme une chanson. Kamel, couvre-feu. Voilà, le ballon il a éclaté. Tous les matins je me lève avec la même question, je trouve pas de solution. Qu'est-ce que je fous là? Les autres ils disent rien, mais faut pas se poser de questions. Ils sont comme ça eux, ils préfèrent pas se prendre la tête, ils baissent la tête et ferment les yeux. Ouais mais moi j'ai rien demandé, c'est pas de ma faute. La faute à qui? Ça tourne dans mon cerveau, ça tourne, ça s'arrête jamais, c'est à péter un câble. À qui dire? Quelqu'un, il pourrait. L'autre jour, la psy du lycée, elle me convoque, elle commence à me parler des cours, que j'y vais pas, et patati, et patata, les cours. À quoi ça me sert de savoir que la baleine, elle fait jusqu'à 30 mètres et plus de 150 tonnes si je sais toujours pas ce que je fous là? Et à quoi elle me sert, cette vie? Mais je dis rien, je la laisse causer. Elle y comprend quelque chose, elle. Et là, elle me dit ça comme, tu es turbulent avec des accès de violence. Et ce n'est pas normal. Je l'ai regardée, elle m'a kéblo. Dans ma teuté, ça commençait à balancer grave. Le malaise, du coup, j'ai pas maîtrisé, c'est sorti de moi, j'ai hurlé. Qu'est-ce que je fous là? Vous savez, vous, hein? Qu'est-ce que je fous là? Elle me regarde comme si je lui avais parlé chinois. Et là, elle dit, c'est comme ça, tu es là parce que tes parents l'ont décidé. Mes parents? Eux, ils disent qu'ils ont rien décidé du tout. C'était un accident. Je vois le truc. Deux caisses à contresens qui se rentrent dedans, clash, moi, le constat. Elle continue, oui, il faudrait que tu penses à ton avenir pour que tu puisses te construire une vie normale. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, la selle? Mon avenir, je le vois d'ici, je vais faire comme les frères. Je vais pointer au chaume du parce qu'avec ma gueule, on risque pas de me prendre comme PDG. Tu débarques devant le mec pour trouver un taf, rien que tu lui dis que t'habites dans les quartiers, le cum, il te voit avec une barrette de chi dans une main et un flingue dans l'autre. Alors mon avenir? Et puis c'est quoi, normal? Normal, c'est quoi? Y a un mode d'emploi? Devenir un zombie, ne rien entendre, ne rien voir, ne rien dire? Pourquoi j'y arrive pas, moi? J'y arrive pas? Ils sont tous la tête dans le mur, droit devant, et c'est ça, normal. Tous. Une bande de sourds muets et rien à foutre de la gueule des autres. Quelqu'un a remarqué ma... Et aveugle, ils se voient même pas. Rien que chez moi, ma mère. Tu vois pas que je suis fatiguée, j'ai travaillé toute la journée, moi. C'est ça qu'elle dit, elle. C'est ça qu'elle a à dire. Et faut surtout pas lui parler, sinon elle tape une crise de nerfs. Moi, j'ai des états d'âme. Elle, elle a pas le temps. Une vie de chien, de chienne. La vie de ma mère, ça me fait de la peine. Mais je devrais m'estimer heureux, il y a des enfants qui crèvent de faim. Ça me rend pas heureux, et ça me calme pas. Je suis en train de crever, personne ne le voit, ça se passe à l'intérieur. Quoi? Faudrait que je m'explose la tête devant eux ou quoi? Parfois je me dis c'est ce que... Avec mes potes c'est différent, c'est eux ma vraie Mifa. Mais on ne se parle pas de ces trucs-là, on se comprend. Ils disent rien eux non plus, mais je sais qu'ils sont comme moi, ils pensent pareil. Seuls. Quand on se voit c'est pour tuer le temps. Le temps qui nous tue. On tourne en rond sur place, on ne peut pas aller bien loin, alors on reste en bas dans la cage d'escalier. Dans la cage. La cage. On fume des pets et on gaulerie bien, on est entre nous, quoi, on se prend pas la tête, parce qu'au moins, bon, des fois je me dis que ce serait quand même bien que je me serre une meuf, mais c'est un peu la dèche par ici. Les meufs de la Tessie, elles nous regardent de haut, elles en peuvent plus, elles font les belles, et elles se la pètent grave. On n'est pas assez bien ou quoi? Et puis quand je pense à la dernière veste que je me suis pris dans la gueule, ça me donne pas envie de recommencer. J'étais grave, love. Mais elle a rien capté, elle m'a même pas calculé. De toute façon, c'est toutes des putains, j'ai la haine. Du coup, je reste avec les potes, avec eux, au moins c'est tranquille, ils me demandent rien, ils me foutent la paix, c'est pas compliqué, on se retrouve et on s'occupe. Quoi, y a rien à foutre. Mais les vieux, ils nous voient de travers, putain, ils nous demandent si on n'a rien de mieux à faire. Non, on n'a rien trouvé de mieux, ils ont qu'à proposer des trucs, eux. Alors ouais, ils nous disent d'aller jouer au teufou. Bah ça va un moment, mais c'est pas ça qui va arranger les problèmes dans ma tête. J'oublie un peu et puis ça recommence. Ma parole, j'en peux plus. Et dès qu'on bouge quelque part, les gens, ils ont l'air flippés de nous voir. Débarquer, ma parole, ils nous regardent comme si on était des gangsters. Il y a des endroits où on peut même pas foutre les pieds. Rien que tu marches dans la rue, t'es déjà suspect. Tous les 100 mètres, contrôle, identité. Ma tête vous revient pas? Ta gueule. Mes papiers, ouais, je suis français. Ouais, je suis d'origine arabe. À part ça, je sais pas qui je suis. Tu te fous de ma gueule? Même pas. État de droit? Qui y croit? Contrôle, contrôle, contrôler, contrôleur, pression, compression, répression. Répression. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Tu m'inspectes, suspectes, moi je veux juste que tu me respectes. Tu me testes, je conteste. De toute façon, j'ai rien à perdre. Retour à la cage départ. Jusqu'à quand? Péter la cage. Dire ma rage. Hier, un mec, il se plante devant nous et il fait exprès de dire ça comme « C'est le problème avec les gens de couleur, ils foutent le bordel, ils se croient chez eux. » Il m'a foutu la rage, grave, j'ai eu envie de lui défoncer sa face. Je sais pas ce que c'est, moi, les gens de couleur. J'ai l'air bariolé, enculé. Je me regarde dans la glace. C'est quoi ça, comme couleur? Les mecs, ils ont pas encore compris que je suis français comme eux. Putain, quand j'entends des trucs pareils, y a pas de quoi être fier. Et toute façon, chez moi, je dérange. Ma mère, elle est fatiguée, elle travaille tout le temps et elle se crève la santé pour nous. Putain, ça me casse les couilles en même temps qu'caissière chez ED, c'est un peu l'esclavage moderne. Elle se crève le cul pour 3 sous et l'autre, il est même pas là pour l'aider. Il la ramène en France et une fois dans la galère, il se barre faire sa vie ailleurs. J'ai même pas de photos, elle les a toutes chirdées. Je le connais pas. Il me connaît? J'ai la haine grave. Faut voir la zombée, on est tous entassés les uns sur les autres, tu peux même pas bouger sans qu'il y en ait un qui te gueule dessus parce que tu lui caches la télé ou que tu l'empêches de dormir tranquille, alors dès que je peux, je dégage pour faire de la place. J'étouffe. Avec les potes, des fois, on joue à essayer de se perdre dans les bâtiments pour faire style qu'on est ailleurs que dans ce trou pourri, mais on se retrouve toujours dans le même décor. Il y a que les lettres qui changent. Escalier A, escalier B, escalier C. Et les gens, ils croient que ça nous éclate de rester comme as à zoner dans le tiercar. On va nettoyer ça au karcher. Des cafards. Ça. Nous. Si je pouvais lui déchirer sa gueule pour qu'il se prend celui-là politicard tocard. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Jusqu'à quand tu vas me prendre pour un con? Tu vois pas que le monde, il tourne pas rond? Atterris, t'es sur la planète Terre. Pour te plaire, je vais pas me taire. Tu vois pas ce qui se passe? Tu vois? Tu vois pas? Tu vois? Tu vois, vois, tu vois pas ce qui se passe? Alors viens pas te plaindre de la casse. Ça va mal finir. Je peux plus tenir. J'ai rien à perdre. Je peux plus tenir. Ça va mal finir. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Putain, je vais le faire. Putain, je vais le faire. Putain, je vais le faire. Je peux plus, faut que j'y aille, je vais leur foutre le feu à leur putain de système de merde. Ma parole, je vais le faire. Je vais pas me laisser faire. Faut faire cramer cette pourriture de société. Dès que tu te déplaces, tu te fais courser par les keufs, et en plus tu te fais insulter en direct live par un connard qui se croit supérieur parce qu'il est né avec une cuillère en argent dans le cul. Tu sais pas ce que c'est, lui demander 2 euros pour t'acheter une canette. Quand on te dit va te faire foutre, j'ai pas de fric. Le délire avec les potes, c'est qu'on se fait des films, on se raconte la vie qu'on aura plus tard. Quand on aura de l'oseille, qu'on partira de ce trou à rat. On sait bien que c'est pas vrai. Et puis c'est loin plus tard. Et maintenant c'est le cauchemar. Rêve toujours, tu m'intéresses. La haine. C'est la haine. Il y a des fois j'ai l'impression que je suis en plein tournage dans un film d'horreur et je panique et je me dis comme ça que je me dégage de là. Je me dis, faut que je vais en sortir, que je vais me réveiller, que tout ça c'est pas vrai, que je suis pas ici, pas dans cette ville, pas dans cette vie. J'en peux plus de voir ces tours. J'en peux plus de voir ces murs. J'en peux plus de pas savoir si le ciel est bleu ou gris. Je me dégage de là. Je me dis que je vais en sortir, que je vais me réveiller. Je viens aussi un jour aller voir la mer. C'est pas vrai. Je suis pas ici, pas dans cette vie, pas dans cette vie. C'est infini. Moi, je connais que les angles, les cages des escaliers. J'aimerais bien aller voir la mer. Les bâtiments. Il paraît que c'est beau. Le béton, rien que c'est béton et encore du béton, de plus en plus de bitume, de moins en moins de thunes. Infini. Alors, quand j'entends des voyous, de la racaille, Karcher, ça me donne des envies de meurtre, ouais, des envies de les flinguer tous, de leur faire bouffer leur Karcher, de leur faire cracher, ça me rend psycho au jeu. Il sait pas ce que c'est, lui, que tu nais, et déjà, tu sais que t'es foutu, que t'as aucune chance, parce que t'es d'ici, mais on te parlera toujours comme si t'étais pas d'ici. T'es jamais là où il faut. Tu te fais niquer de partout, on te traite toujours comme un étranger, un parasite, comme si t'étais un voleur, que tu leur voles l'air qu'ils respirent, putain! Mais la terre, elle est à tout le monde! Qu'est-ce qu'ils nous font chier avec leurs frontières? Et puis mes papiers, ils sont français, et quand je vais au bled et que je comprends même pas ce que mon grand-père il me dit, parce que je parle pas arabe, je me demande bien ce que je suis. Ce que je suis? Il a qu'à venir faire un petit séjour dans ce putain de zoo où on est parqué. Il verra, lui, c'est ça le rend pas ouf. En 2 secondes, il pète un câble et il nous tire tous à la Kalachnikov. N'importe qui. Alors tu viens. Viens, viens. Ça me vénère. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air étonné. Tu croyais que j'allais me laisser bétonner? Mais vois, l'heure du jugement a sonné. C'est l'heure, c'est l'heure. On devrait foutre un bon coup dans tout ce foutu système qui considère que si le pays il se porte mal, c'est parce qu'il y a des immigrés, alors qu'ils se gênent pas ses culs serrés à se foutre de l'oseille plein les poches, bande d'enfoirés. Et après ils te font des discours sur l'intégration. Mais de quoi ils parlent? Je suis né ici, moi! Est-ce qu'on pense à les intégrer, les mecs du 16e? Moi, je dirais que c'est plutôt le moment de désintégrer tout ça. Ma parole, ça me rend ouf! Mais qu'est-ce qu'on attend? Je sens un truc qui grandit dans ma poitrine. C'est comme un énorme ballon. Il gonfle, et je me dis qu'il va finir par exploser. Ça me fait flipper. Putain, je peux plus. Je tiens plus. Je vais péter les plombs. Il faut que je bouge. Il faut que je dégage d'ici. Je peux plus rester comme as. Il faut que je fasse quelque chose. Faut que je... Putain, trop bon. Quand j'ai vu tout en train de flamber, ça m'a fait un truc de ouf. Là, l'enfer, puisqu'on y est. Tant qu'à faire tout cramer. C'était terrible, toutes ces voitures en train de s'enflammer. Ma parole, j'ai vécu la fin du monde. Tout ce feu, c'était géant. Qu'est-ce que... Trop bon. Quand je les ai vus tous courir, je me suis mis à courir aussi. Je les ai suivis, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. Je savais pas trop ce qui s'est passé, c'est que... Quand j'ai entendu les sirènes, que j'ai compris. Vaut mieux pas trop traîner, même que t'as rien fait. Ils te demandent même pas comment tu t'appelles, c'est direct le stopo. Ces bâtards, ils m'ont rattrapé en 2 secondes, j'ai rien vu venir. Face contre terre, sale race, oh putain. Des coups de matraque dans la gueule, ils m'ont déchiré la face et ils se sont barrés. Ils m'ont laissé la tête dans le trottoir. C'est là qu'il a éclaté le ballon. Tout me revient en bloc. Racaille, bougnoule, voyou, parasite, karcher, le bruit et les odeurs, sauvageons. Ah, c'est comme ça. D'accord. Je vais te jouer le rôle. La Kaira, c'est toi qui l'as réveillé. Tu peux mourir de coups. De toute façon, je suis dans le trou. Y a plus rien qui vaille. La racaille te révèle la faille. Enculé. Des discours, des promesses. Rien que des prouesses pour me faire ravaler ma détresse. Et qu'en paix, enfin, je te laisse. J'ai rien à perdre. Mais qu'est-ce qu'on attend? Allez, je vais y aller, ma parole, je vais le faire. Tu vois pas que ça marche pas? Je peux plus marcher au pas. Des emmerdes graves, je vais te causer. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? J'ai rien à perdre, t'as pas compris? Allez, c'est fini, les courtoisies. La guerre, tu l'as voulu, nous voilà. T'es foutu, tu me comprimes. Opprime. Je m'exprime. T'imprimes. Mon sceau, mon empreinte, là, sur les murs. De ta feinte. L'heure n'est plus à suivre les règles du jeu. Je laisse enfin éclater mon feu. À quoi bon prendre tes airs? Tu crois qu'on t'a pas reconnu? T'es pas mieux que tes pères. Ni vu. Tu crois qu'on t'a pas reconnu? Ni connu. Tu te la joues ni vu ni connu? Mais écoute-moi bien. Je vais pas rester spectateur devant ta face de dictateur. J'ai rien à perdre. T'as pas encore compris? J'ai mis mes mains sur mes tempes. Et je les ai regardées, mes mains. Et là, il s'est passé. Je me suis levé. Et je suis allé m'équiper. Prêt pour l'opération commando. Mais qu'est-ce qu'on attend? On va leur niquer la gueule et c'est là que tout a commencé. Face à ce non-sens, un bidon d'essence, un paquet d'allumettes, à mort. J'ai retrouvé les autres, on était tous sur le pied de guerre. On s'est planqué derrière une voiture, on les a laissés passer avec leurs blindés, et là on s'est mis à courir comme des oufs. On a attaqué. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Oh, la caisse rouge en premier, putain, ça a pris en 2 secondes. On avait grave chaud, mais quand on a vu les flammes ça nous dehors, a rendu le feu gueudin, dedans. Un truc de malade. Les Kaira sont dans la place. Tu peux flipper ta race. Les flammes dehors, le feu dedans. On a attaqué. Jamais je me suis senti comme as. As. Je brûlais. C'est nous les justiciers. Je me suis senti vivant. Assez. Ça, ces enculés. C'est nous les justiciers. Alors tu nous prends au sérieux maintenant que t'as le feu au cul? On va tout brûler. On recommence tout à zéro. Assez d'acceptation, assez de résignation, assez d'humiliation. C'est chamé, ma parole. La Tessie, elle s'est transformée en terrain de guerre. Ah, il y avait de l'action, mon gars. Ça courait dans tous les sens. Ils ont déboulé en -2, mais on était bien armés. Cette fois, on a ramassé tout ce qu'on pouvait, même des cailloux. On leur en mettait plein la gueule, bâtards. Ils couraient derrière nous comme des oufs. Mais on était bien organisés. Il y en a un qui balançait l'essence, et l'autre, il flambait avec des turvois en feu dans tous les coins. Trop bon, mon gars. Il est temps que cela cesse. T'as réveillé ma haine, vengeresse. On va tout cramer, tout brûler. Une voiture, une deuxième, une troisième, une quatrième. Je les ai plus comptées. Il y avait des incendies de partout. Un incendie généralisé. Si je pouvais, j'aurais tout cramé. Fallait faire vite pour pas se faire pécho. Il y en a qui sont tombés en route, mais on était assez nombreux. Tous les cums, ils étaient là, tout le monde était dehors. On voyait même des cocktails Molotov qui volaient dans les airs. On a frappé de tous les côtés. Cette fois, c'est pas nous qu'on était encerclés. C'était eux. Ils savaient même plus par où nous courser. On les a niqués. J'étais dans un état second. C'est moi, ça? Pour la première fois de ma putain de vie, dans le feu, les flammes, j'ai senti la liberté. Pour la première fois, je me suis pas senti comme une merde face à ces enfoirés de Robocop. De rage, je suis sorti de ma cage. Il y avait plus de questions. J'ai la tête dans le cul, mais j'ai un putain de goût de victoire dans la bouche. C'est de la balle. On va leur montrer de quoi on est capable. On n'est pas des déchets de la société, on est des personnes, comme les autres. On n'est pas du bétail, et c'est la moindre des choses de nous parler poliment. Parce que si eux, ils ont la force et le pouvoir, nous, on a la force de la rage. On leur a foutu le feu. Quand je suis rentré, ma mère, elle m'a regardé. Elle avait les yeux rouges. Elle a rien demandé. J'étais éclaté, je suis passé à côté d'elle et je suis allé me coucher. De toute façon, on n'a jamais parlé, c'est pas maintenant que ça va commencer. J'ai failli revenir, mais... faut que je me repose pour être prêt. Ce soir, je repars au combat. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis déjà au plus bas, il fallait pas réveiller ma haine. Maintenant je peux rien faire, elle est là, faut que je la décharge. Les infos. Le couvre-feu. Rah, c'est ça leur solution. Bande de fachos. C'est tout ce qu'ils ont trouvé. Ils croient que s'ils nous enferment, on va s'arrêter. Mais je suis déjà enfermé. La prison, je suis depuis que je suis né. Et c'est pas ça qui va me calmer, plutôt m'enrager, ouais. Le feu qui nous brûle, il se couvre pas. Même séquestré, je vais pas me laisser réduire en machine à encaisser. Sorti du protocole, le feu, ma parole, j'ai rien à perdre, j'ai jamais rien eu. Une bagnole ou autre chose, c'est pas ça l'important. La prochaine fois, les allumettes dans ma poche, l'essence dans ma bouche. Je demandais pas grand-chose. Juste pas me sentir à l'écart. Juste une parole. Un regard. Juste une parole. Un regard.